إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc l'intitulé du cours concerne l'explication d'un hadith célèbre du prophète alayhi salatu wa salam. Un hadith qui est tiré d'un recueil célèbre et connu de tous, qui est Al-Arba'in Al-Nawawiyyah. Les 40 hadiths compilés par l'imam Al-Nawawi alayhi rahmatullah. Son livre s'intitule Al-Arba'un fi mabani l'islam wa qawa'id al-ahkam. Les 40, c'est-à-dire les 40 hadiths concernant les fondements de base de l'islam et les règles des lois de l'islam. هو متن مشهور اشتمل على 42 حديثا من الأحاديث الجوامع المشتملة على كثير من القواعد العظام وعليها مدار كثير من أحكام الإسلام. Donc c'est un recueil célèbre, connu auprès de tous, qui comporte en réalité 42 hadiths. 42, ça se rapproche de 40, donc c'est une manière aussi chez les Arabes pour arrondir. Hein, donc on dit 40, bien que ça peut dépasser un peu. Donc en réalité, il y a 42 hadiths. Ce sont des hadiths que l'imam al-Nawawi, alayhi rahmatullah, a choisi, car ce sont des hadiths qui regroupe les enseignements et les règles de base de l'islam. On retrouve dans ces hadiths beaucoup de règles générales concernant la religion. L'imam al-Nawawi, alayhi rahmatullah, on l'appelle Muhyiddin, Abu Zakariya, Yahya ibn Sharaf, ibn Murri, ibn Hassan, ibn Hussein, ibn Muhammad, ibn Jumu'ah, ibn Hizam, Al-Nawawi. Ça, c'est une partie de sa lignée. Al-Nawawi, parce qu'il est d'un village ou une petite ville qui s'appelle Nawa, qui se trouve pas loin de Damas, dans la périphérie de la ville de Damas. Wulida fil Muharram, fi wahid Muharram, 731 Hijriya. Il est né, alayhi rahmatullah, le premier jour du mois d'Allah al-Muharram, en l'an 631 de l'Hégire, Binawa min a'mali Dimashq, donc dans cette contrée ou ce village qui s'appelle Nawa, pas loin de Damas, qui fait partie de la province de Damas. Thumma rahala ila Dimashq fi talab al-ilm, puis il est parti à Damas pour compléter et continuer ses études religieuses. Min mu'allafatihi sharh sahih Muslim ورياض الصالحين والأذكار والأربعين الأربعين النووية والتبيان في آداب حملة القرآن وغيرها من المؤلفات. Parmi les ouvrages qu'il a écrit عليه رحمة الله, il y a son commentaire de Sahih Muslim. Et son commentaire de Sahih Muslim, il est considéré comme le plus célèbre, un des plus sûrs commentaires de Sahih Muslim. Il a aussi comme ouvrage Riyad al-Salihin, Les jardins des vertueux, qui est aussi un livre célèbre et connu. Al-Azkar, c'est un recueil de dua et de zikr, un volume qui s'intitule Al-Azkar. Al-Arba'in, aussi connu, le recueil des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et Al-Tibyan fi adab hamalat al-Qur'an, c'est un livre où il amène dedans les bonnes manières, les bienséances, le bon comportement que doivent aborder les gens avec le Coran, ceux qui l'apprennent, ceux qui l'étudient, ceux qui le récitent, les règles concernant ce domaine-là. Et il a plein d'autres ouvrages, alayhi rahmatullah. ولقد اتصف رحمه الله بثلاث صفات العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il y a trois caractères qu'on retrouve ancrés dans l'imam al-Nawawi alayhi rahmatullah. Il était doté de science, c'était un ascète, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui il s'éloignait des choses de ce bas monde, il s'adonnait complètement pour l'au-delà, et aussi il était connu pour ordonner le bien et interdire le mal. توفي رحمه الله ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب عام 676 هجرية وعمره 45 سنة رحمه الله رحمة واسعة. Il décéda رحمه الله la nuit du mercredi 24 Rajab 676 du calendrier de l'Hégire. Il était âgé de 45 ans. Alayhi rahmatullah. الحديث الخامس le cinquième hadith de l'Arba'in al-Nawawiyya. Et nous allons voir le commentaire du grand savant, le Sheikh al-Muhaddith Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahullah تعالى. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. D'après la mère des croyants, Abdillah, Aïcha, radiallahu anha, qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui invente une chose dans notre religion, alors qu'il n'y a pas eu ordre de notre part là-dessus, ceci sera à rejeter. Tout personne qui ramène une chose nouvelle dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné, on ne retrouve pas trace de cela dans la religion, dans les textes religieux, ceci est à rejeter. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version de l'imam Muslim, celui qui fait une action, un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement, de notre ordre, est à rejeter. Le hadith, donc, est rapporté par la mère des croyants, Aïcha, radiallahu anha. La mère des croyants parce que c'est une épouse du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est le titre qui est donné à toutes les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. On les appelle Ummahat al-Mu'minin. Elles sont les mères des croyants. Et ceux qui ne veulent pas que Aïcha radiallahu anha soit leur mère, alors c'est des gens qui ont suivi une autre religion que l'islam. Car Aïcha est la mère des croyants. Et si des personnes ne la reconnaissent pas, alors ils ne font pas partie de la communauté. Comme les Rawafid, les Shi'as extrémistes, qui accusent Aïcha radiallahu anha de ce qu'ont accusé les juifs, Maryam alayhi salam. La même chose, ils n'ont fait qu'imiter, et il y a beaucoup de similitudes entre les Rawafid et les Yahoud. Beaucoup de points en commun. Rien d'étonnant en cela, puisque celui qui a mis en place l'idéologie des Rawafid de base, c'est Abdullah ibn Sabah, qui était un juif yéménite, qui montrait l'islam, alors qu'en réalité c'était un ennemi de l'islam. Il est entré chez les musulmans, à l'intérieur des musulmans, pour nuire à l'islam. C'est plus simple, car les musulmans n'écouteront pas quelqu'un qui n'est pas musulman. Mais à l'intérieur de l'islam, pour se faire passer pour un bon conseiller, pour quelqu'un qui est plein d'amour pour la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité c'est son dernier souci. Mais c'était un des moyens entrepris pour nuire à l'islam, et son mal, on le vit jusqu'à aujourd'hui. Les conséquences de ce grand mal. Donc Aïcha radiallahu anha, la véridique, c'est la fille du meilleur homme après les prophètes, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anha. C'est le meilleur des compagnons, et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs compagnons de prophètes. Ce sont les meilleurs des hommes. Et Abu Bakr radiallahu anhu est le meilleur homme après les prophètes. Et c'est le plus grand ennemi des Rawafid. Il l'insulte et le maudit. Lui est le deuxième homme meilleur, qui est Omar radiallahu anhum ajma'in. Aïcha radiallahu anha, elle a le surnom de Abdillah. Mais elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant. Mais même si on n'a pas d'enfant, on peut avoir une kunya. On peut s'appeler Abu Fulan, il n'y a pas de mal là-dessus. Et sa kunya, elle, c'était Abdillah. C'était l'épouse la plus aimée auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Et elle a beaucoup de mérites et de vertus. Et c'est l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était la plus savante. Celle qui avait le plus de connaissances. Beaucoup de compagnons, lorsque ils avaient des doutes, se posaient des questions sur des hadiths, sur un sujet, ils demandaient à Aïcha radiallahu anha et ils trouvaient la réponse auprès d'elle, radiallahu anha, wa anhum ajma'in. Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans sa demeure. Ça aussi, c'est un mérite. Bien que, à la fin de sa vie, alayhi salatu wa salam, il a fait comprendre à ses épouses qu'il voulait être soigné et être auprès de Aïcha. Et elles lui ont laissé, radiallahu anhun, elles lui ont laissé leur nuit pour Aïcha, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste avec Aïcha. Et donc, les dernières nuits qu'a vécues le prophète alayhi salatu wa salam, il les a passées dans la demeure de Aïcha. Mais il est mort dans la demeure de Aïcha, mais la nuit, le jour qui était réservé à Aïcha de base. Lorsqu'on calcule, c'était le jour qui était réservé à Aïcha, radiallahu anha. C'était sa journée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète, et ça c'est une règle chez eux, c'est qu'ils sont enterrés là où ils décèdent. On ne les déplace pas. Et il est enterré dans la demeure de Aïcha. L'endroit où il est enterré, c'est la demeure de Aïcha, radiallahu anha. Donc elle rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, ce hadith qui nous montre la gravité et le danger des innovations dans la religion. Al-allamatu al-shaykh al-muhaddith Abd al-Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr hafidhahullahu ta'ala est un grand savant de Médine qui approche les 90 ans. Hafizahullah Ta'ala, son fils est aussi un savant, Cheikh Abdelrazzaq. Les deux enseignent dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est un ancien enseignant de la mosquée de l'université islamique de Médine. Il est retraité de l'université. C'est aussi l'ancien président de l'université islamique de Médine, Hafizahullah Ta'ala. Et il enseigne toujours dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et il est aussi connu pour enseigner les livres de hadith. Pendant 25 ans, il a enseigné les 6 livres célèbres du hadith. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Il les a terminés durant 25 ans. Hafizahullah Ta'ala. Puis, là, il a recommencé. Je ne sais pas s'il a fini Sahih al-Bukhari. Il est encore dans Sahih al-Bukhari. Naam. Donc, il a recommencé l'étude de Sahih al-Bukhari. Hafizahullah Ta'ala. Il dit dans son commentaire, il a le commentaire, il a fait le commentaire des 42 hadiths de l'imam al-Nawawi et il y a ajouté les 8 hadiths rajoutés par l'imam al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Ibn Rajab al-Hanbali, il a un célèbre commentaire de l'Arba'in al-Nawawiyya qui s'appelle Jami' al-Ulum wal-Hikam. Jami' al-Ulum wal-Hikam. Le recueil qui recense ou qui regroupe les sciences et les sagesses. C'est un volume dans lequel il fait le commentaire de 50 hadiths. Les 42 de l'imam al-Nawawi, puis les 8 que lui, rahimahullah, a rajouté. Et donc, ici, le grand savant, Cheikh al-Abbad, hafidhahullahu ta'ala, il fait le commentaire des 42 hadiths de l'imam al-Nawawi et aussi les 8 hadiths rajoutés par l'imam Ibn Rajab, rahimahullah. Et son commentaire de Cheikh Abdel Mohsin s'intitule « Fath al-Qawiy al-Matin fi sharhi al-Arba'in wa tatimmat al-Khamsin lil-Nawawi wa Ibn Rajab, rahimahumallah ». Il dit dans ce commentaire, awwalan, premièrement, هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع. Il dit ce hadith est une base pour peser, juger les œuvres apparentes, les actions apparentes, ce qu'on voit des gens comme actions qu'ils accomplissent. Ce hadith-là est une base pour juger. Et donc, que les œuvres ne sont prises en considération, ne sont reconnues que si elles sont conformes à la législation. Kama anna hadith, innama al-a'malu bin-niyyat aslun fil-a'mali al-batina. Il en est de même pour l'autre hadith, qui est le hadith, le premier hadith de l'Arba'in Nawawiyya, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imrin ma nawa. Le hadith, ce hadith-là, certes, les œuvres ne valent que par leurs intentions, et à chacun ce pourquoi il a eu l'intention. Ce hadith-là, innama al-a'malu bin-niyyat, est une base pour juger les œuvres intérieures, les œuvres du cœur. Et an-niyya, le terme an-niyya, on entend par là deux choses. Al-ikhlas, la sincérité. Parfois, par niyya, on entend par là al-ikhlas. Pour qui tu fais cette œuvre-là? Et aussi, le deuxième point qui concerne an-niyya, c'est la distinction. C'est pour distinguer entre les œuvres que tu vas accomplir. Est-ce que tu fais une œuvre obligatoire, surrogatoire? Tu es en train de faire la prière de Dhuhr ou la prière de l'Asr, même des œuvres qui se ressemblent. Au regard, ils se ressemblent. Dhuhr et l'Asr, la façon de les accomplir est la même. Et elles comportent le même nombre de raka'a. Qu'est-ce qui va distinguer l'une de l'autre? C'est la niyya. Donc c'est, ici, c'est pour différencier entre les œuvres. Je suis en train de faire tahiyat al-masjid. Je suis en train de faire deux raka'a après les ablutions. Qu'est-ce qui va distinguer? C'est la niyya. Donc la niyya, on entend par là, d'un côté, la sincérité, pour qui tu œuvres, et aussi pour différencier entre les œuvres. وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ يُتَقَرَّبُ فِيهِ إِلَى اللَّهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ وَأَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا بِنِيَّتِهِ. C'est-à-dire que toute œuvre par laquelle on se rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala, obligatoirement, il faut que l'intention que tu as dans cette œuvre, que tu accomplisses cela sincèrement pour Allah, et qu'il y ait une intention bien précise qui va te préciser quelle action tu es en train d'accomplir. Thaniyan, deuxièmement, إِذَا فُعِلَتِ الْعِبَادَاتِ كَالْوُضُو والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة. Ici, le cheikh nous cite quelques exemples d'adoration. Si les adorations comme, à titre d'exemple, les ablutions, le lavage du corps, la prière ou autres adorations, elles sont faites d'une manière différente, qui n'est pas totalement en conformité, d'une manière différente de ce que nous enseigne la législation, alors ces œuvres, elles seront rejetées. Elles ne seront pas acceptées. Elles seront rendues à la personne qui les a accomplies. C'est-à-dire qu'on n'en veut pas. On lui dit, reprends cela. Elles ne sont pas acceptées. وَأَنَّ الْمَأْخُوذَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَجِبُ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُمَلَّكَ. Rentre dedans aussi si un accord, un contrat qui est faux, qui est en opposition aux lois de l'islam, eh bien, si de cet accord en a découlé qu'une des deux parties, il lui a été accordé quelque chose, on lui a donné quelque chose, on lui reprend. Parce qu'il l'a pris d'une manière qui est incorrecte. Et que les clauses du contrat sont incorrectes. Parce que ce n'est pas les règlements qui respectent la législation musulmane. وَأَنَّ الْمَأْخُوذَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَجِبُ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُمَلَّكُ. Donc il ne sera pas considéré comme propriétaire de la chose. On le reprend et on le rend à celui qui lui a donné. Parce qu'il lui a donné, mais selon des clauses qui sont incorrectes. وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قِصَّةُ الْعَسِيفِ. الْعَسِيفِ بِمَعْنَى الْأَجِيرِ. قِصَّةُ الْعَسِيفِ الَّذِي قَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما الوليدة والغنم فرد عليك. رواه البخاري ومسلم. Ce sont des gens qui vivaient un peu loin de Médine, peut-être dans le désert, le Badia. Et un jeune homme, il était ouvrier chez une famille. Donc il était chez eux. Puis, ce jeune homme, il en est arrivé à tomber dans le péché. Il a commis l'adultère avec la femme du foyer. Donc, le mari, il a été au courant. Le père du jeune homme, il a été au courant. Donc, ils se sont réunis pour trouver une solution. Le père du garçon, il ignore le jugement de cela. Donc, il s'est renseigné, mais on l'a mal informé. Des gens lui ont dit... Il mérite la peine capitale. Ar-rajm, la lapidation. Ne voulant pas cela, le père, il est parti voir le mari de cette femme pour trouver un arrangement. Et il lui a dit, je te paye en conséquence. Je te donne 100 chèvres ou agneaux du troupeau et une jeune femme esclave qu'il avait. Il lui a dit, je te les donne. En échange, mon fils, il est pardonné de ce qu'il a fait. Donc, il a pris. Cet homme, il a accepté, il a pris ça. Puis, le père du garçon, il a continué à se renseigner sur le sujet. Et là, il est tombé sur des gens de science qui lui ont dit, non, ce n'est pas le bon jugement. Ce n'était pas ça. Ton fils, puisqu'il était célibataire, n'a jamais été marié. Sa sentence, c'est d'être fouetté. Et d'être exilé pendant un an. C'est-à-dire, il quitte les lieux. Il va dans un autre endroit. Pendant un an, il n'a pas le droit de revenir. Ce qu'on appelle le ta'zir. Et elle, cette dame, si elle reconnaît les faits, puisque elle est mariée, c'est elle qui doit subir la peine capitale. Donc, ils sont venus voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et... L'homme, le mari de la femme et cet homme-là sont arrivés et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de juger entre eux, de mettre un terme au problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je veux vous donner le jugement comme il est dans le livre d'Allah. Et il a demandé au mari de la femme, tu rends ce qu'il t'a donné, les 100 chèvres ou agneaux et la femme esclave, tu les rends à au propriétaire initial. Parce que cet accord-là que vous avez entre vous, il est caduc. Il est contraire aux règles de l'islam. Puis il a envoyé quelqu'un pour appliquer la sentence qu'il fallait. Donc, ici, c'est pour dire que même dans un contrat, si le contrat, il est contraire aux enseignements de l'islam, qu'il est rejeté. ثالثا ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة. Et le hadith prouve aussi que celui qui innove une innovation qui n'a pas d'origine dans la religion, dans la législation musulmane, ceci sera à rejeter. وصاحبها مستحق للوعيد. Et celui qui commet cela, qui commet l'innovation, il est sous la menace qui l'attend du fait qu'il a fait une chose qui est contraire à la législation. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant la ville de Médine, concernant la ville de Médine, celui qui vient à innover dedans ou alors à vouloir faire un crime ou un mal quelconque dans la ville de Médine ou qui donne refuge, il protège un innovateur ou un criminel, quelqu'un de mauvais qui fait du mal, alors sur lui, il y aura la malédiction d'Allah, de ses anges et de tous les gens. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on voit la gravité de cette action. Rabi'an, et la malédiction, qu'est-ce que la malédiction? Être maudit, c'est d'être rejeté, repoussé de la miséricorde d'Allah, d'être privé de la miséricorde d'Allah. Celui qui est touché par la malédiction, c'est qu'il n'a pas le droit à la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Rabi'an, quatrièmement, al-riwayatu thaniya, allati inda muslim, a'am min al-riwayati allati fi sahihain. La version du hadith qu'on retrouve seulement dans Sahih Muslim est bien plus générale que celle qu'on retrouve dans les deux authentiques, dans le Bukhari Muslim. Car le premier, qu'est-ce qu'il dit? Man ahdatha. Et le second, il dit man amila. Le premier concerne que celui qui a inventé. Mais dans les gens qui font les innovations, il y a deux catégories. Mais au final, c'est le même mal. Hein? La première catégorie, c'est celui qui invente. Il l'a pris de personne, c'est lui-même qui l'a inventé. C'est lui-même qui l'a ramené. Et le second, il fait une innovation, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Il l'a pris de quelqu'un d'autre. Il a trouvé les gens le faire, donc il a fait comme eux. Et quand on va lui faire le reproche, il va dire, mais tout le monde fait ça. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Dans les deux hadiths, on a la réponse aux deux. Et le deuxième, il est bien plus général, celui qui fait. Et lorsqu'on dit celui qui fait, entre dedans, qu'il l'ait inventé ou qu'il ne l'ait pas inventé, c'est la même chose. Au final, ce qui est fait est une innovation inventée. Al-riwayat al-thaniya allati inda muslim a'am min al-riwaya allati fi sahihain li'annaha tashmal man 'amila al-bid'ah sawa' kana huwa al-muhdith laha أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. خامسا cinquièmement معنى قوله في الحديث رد أي مردود عليه وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. Le sens de raddun. Le terme raddun, il est voulu par là mardoud. Ce qui est rejeté. Est à rejeter. Et c'est une des manières d'employer certains termes. D'employer l'infinitif. Mais par là, il est voulu celui qui subit l'action. Hein, de subir l'action. Ismu al-maf'oul. Al-maf'oul, c'est l'action qui est subie. Donc l'action, cette action-là, elle est rejetée. Elle subit le rejet. Mithl khalqun. Comme lorsqu'on dit khalq. Bima'na makhlouq. Il est voulu la créature. Al-khalq, c'est la créature. Mais en arabe, khalqun. Et il est voulu par là, makhlouq. Wa naskhun. L'abrogation. Une chose qui est abrogée. Wa naskhun. Bima'na mansoukh. Wal-ma'na. فهو باطل غير معتد به. C'est-à-dire c'est quelque chose de faux, de caduque. Raddun, quelque chose qui est faux, qui est caduque, qui n'est pas pris en considération. Sadisan, sixièmement. لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة ونحو والنحو وغير ذلك. N'entre pas dans cette interdiction les moyens qu'ont besoin les gens pour préserver la religion dans le temps. Comme le fait de compiler le Coran, le Mushaf, ou d'émettre des règles dans la langue arabe, dans la conjugaison, dans la grammaire, les sciences du hadith, et plein d'autres domaines, tout ce dont les musulmans ont besoin, de faire des écoles, pour qu'il puisse y avoir des enseignements, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là n'entrent pas dans l'interdiction. Car en soi, de base, ce n'est pas une adoration. Mais c'est un des moyens entrepris pour préserver. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on parlait l'arabe pur. Comme on le retrouve dans le Coran et dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens savaient exactement comment employer les voyelles de fin de mot. Mettre un dhamma, une kasra, un fatha, ils savaient. Laisser le noun, enlever le noun, ils savaient exactement. Ils n'avaient pas besoin d'apprendre cela, ils l'apprenaient naturellement. C'était leur langue mère. Puis, lorsque l'islam s'est propagé, et les Arabes se sont mélangés aux autres peuples, et le fait que des peuples se mélangent amène quoi ? À affaiblir la langue. Chacun vient avec sa langue, son langage, sa coutume, et donc ça commence à perdre. Donc on s'est retrouvé face à des gens qui parlaient l'arabe, mais ne savaient pas exactement comment mettre les voyelles. Donc il a fallu que des connaisseurs commencent à trouver une solution. Et parmi les solutions, à mettre des règles. Lorsque le mot se trouve à tel emplacement de la phrase, il aura un dhamma, il aura un fatha, il aura un kasra. Et donc là, les règles de la grammaire ont commencé à apparaître et les règles de la langue. Et c'est pour cela qu'en général, dans la langue arabe, le shi'r par exemple, qui est aussi un des arguments dans la langue, la poésie, on accepte les poèmes des arabes jusqu'à une certaine période. Avant l'islam, il n'y a pas de problème. La langue a été préservée. Après l'islam, ils disent à peu près 150 ans après la hijra. 150 après la hijra pour les gens des villes. Et pour les gens dans les campagnes, dans le désert, jusqu'à l'an 200 de l'hijra. Après cela, quelqu'un qui a fait un poème en employant des mots, ce n'est pas un argument pour dire que tel mot il veut dire telle chose. Donc ça, c'est à titre d'exemple. Il a fallu aussi mettre des règles de ilm al-hadith. Lorsque le mensonge a commencé à apparaître, lorsque les gens ont commencé à rentrer dans le hadith, ce qui n'en fait pas partie, et ainsi de suite. Donc direct. Tout cela, les musulmans en avaient besoin. Donc ça n'entre pas dedans. Et la bid'a, ici, c'est le domaine religieux, le domaine cultuel, le culte, les actions par lesquelles on se rapproche d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et non pas les choses mondaines. Non pas les choses mondaines. Et regardez certains ignorants, parmi certaines sectes, lorsqu'on leur explique que ce qu'ils font est une innovation, qu'est-ce qu'ils répondent ? Bon, bah alors, il ne faut plus prendre la voiture, plus prendre la moto, on ne mange plus avec une fourchette. C'est bien pour montrer qu'ils parlent avec quoi ? Avec ignorance. Ils ne savent même pas quel est le sujet. Ou alors, ils essaient de trouver une issue pour changer de sujet, pour faire oublier l'innovation qui, elle, est mauvaise dans laquelle ils sont. سابعاً septièmement, الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع. Le hadith est un argument, une preuve pour rejeter toute action qui contredit, qui va à l'opposé de la législation. ولو كان قصد صاحبه حسنا. Même si la personne qui a commis cela avait une bonne intention. Ben heureusement qu'il avait une bonne intention. Il ne manquerait plus qu'il rajoute au mal du mal. Il était mal intentionné. Heureusement qu'il avait une bonne intention. Subhanallah. Mais la bonne intention à elle seule ne suffit pas. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قِصَّةُ الصَّحَابِ الَّذِي ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم رواه البخاري ومسلم. Et vient prouver cela, ce qui vient d'être dit, le récit du compagnon radiallahu anhu qui a égorgé sa bête, la bête de l'Eid, Eid al-Adha, avant la prière de l'Eid. Donc lui, il s'est empressé d'égorger sa bête. Puis il est venu à la salle de l'Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la viande que tu as eue par ce sacrifice, c'est d'une viande quelconque. Ce n'est pas celle de l'Eid. Ce n'est pas considéré comme une viande qui découle d'un sacrifice de l'Eid. Et il lui a dit, il devra en refaire un autre. Bien que la personne a voulu bien faire, mais elle l'a fait en dehors de son temps. Il l'a fait à un moment qui n'est pas légiféré. Le prophète a demandé après la prière. Et lui, il l'a fait avant la prière. Donc, il lui a dit, ça, c'est de la viande comme n'importe quelle autre viande que tu ramènes à ta famille. C'est comme une bête que tu as égorgée parce que tu avais besoin de consommer de la viande. Mais ce n'est pas le sacrifice. Pour qu'il soit sacrifice de l'Eid, il faut que ça soit fait après la prière de l'Eid. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et regardez dans le récit de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. C'est dans Sunan al-Darimi rahimahullah. Il rapporte l'histoire de personnes qui étaient dans la mosquée de Al-Kufa en Irak et qui faisaient des cercles avec au milieu un homme, un meneur qui disait, dites 100 fois subhanallah. Et il se passait des pierres pour compter. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dites 100 fois alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Il y avait plusieurs cercles. Quelqu'un qui voit ça, ils sont où les gens? Ils sont dans la mosquée. Ils ne sont pas dans un endroit mauvais. Non, dans la mosquée. Ils font quoi exactement? Ils glorifient Allah Azza wa Jal. Il dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et ces formules, elles sont connues dans la sunna. Elles sont connues dans la sunna. Et ça fait partie de la semence du paradis. Comme l'a dit Ibrahim alayhi salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à sa communauté de beaucoup dire ces formules. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Qu'elles font partie de la semence du paradis. Donc, ils sont dans la mosquée et ils formulent des bonnes phrases. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, les voit faire ça. Il n'a pas aimé leur action. De son fort intérieur, il s'est désavoué de cela. Mais au lieu de les réprimander, il a préféré aller demander à Abdullah ibn Mas'ud de le faire. Parmi les règles qu'on retire de ce récit, c'est, les ulama nous l'expliquent aussi, c'est que dans un endroit, lorsqu'il y a plus savant, il faut laisser la place à lui pour répondre. Subhanallah. On laisse le plus savant s'occuper. Et il est parti chercher Abdullah ibn Mas'ud. Et il a trouvé des tullab assis devant sa porte. Des tullab qui veulent apprendre de cet homme, ce grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud. Il était petit de taille. Il avait les jambes arquées. Et ses jambes, elles étaient très fines. Très fines. De sorte que même les compagnons en étaient étonnés. Et une fois, il a grimpé sur un palmier, un dattier. Et pendant qu'il grimpait le dattier, les compagnons regardaient ses jambes. La finesse de ses jambes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, vous êtes étonnés de la finesse de ses jambes? Elles sont bien plus lourdes sur la balance d'Allah que la montagne de Uhud. Et Omar ibn al-Khattab radhiallahu anhu disait de Abdullah ibn Abbas, c'est un récipient rempli de science. Wi'a'un muli'a 'ilma. Radhiallahu anhu. Et c'est un des parmi les compagnons les plus connaisseurs de la récitation du Coran. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner des recommandations de prendre le Coran chez certains compagnons, il va le citer. Il va citer Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu. Et il fait partie aussi parmi les premiers musulmans. Il est dit que c'est le sixième à être entré dans l'islam, au début de l'islam à la Mecque. Et que c'est le premier qui a récité le Coran à voix haute devant la Kaaba. Radiallahu anhu. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il était chez lui et les élèves sont devant sa porte. Regardez le comportement. Les tabi'in. Ils veulent à tout prix apprendre. Même si Abdullah ibn Mas'ud veut qu'on lui fiche la paix, c'est comme on peut dire. Il ne veut pas, il ferme sa porte, eux ils restent. Parce que c'est qui a besoin? C'est l'étudiant. Il a besoin du savoir de cet homme. Donc il patiente. Certains, parfois, parce que le professeur a été peut-être un peu dur ou autre, il s'en va. Il remet la cause sur. En oubliant que le professeur, bien sûr, chacun se doit de bien se comporter, de la meilleure manière. Mais à la fin, on est tous des humains. Et on a tous nos humeurs. Et on a tous nos problèmes, nos soucis, et ainsi de suite. Et on a aussi nos raisons. Qu'on explique ou qu'on n'explique pas. Subhanallah. Mais un étudiant qui sait la valeur de ce qu'il attend, il va patienter. Et parfois, le professeur va prendre ça en considération. Parce que c'est comme un test. Parce que des fois, des gens viennent, mais on ne sait pas si vraiment ils ont de la volonté. Un rien les fera repartir. Alors que ceux qui sont vraiment volontaires, ceux-là vont patienter. Donc, ils sont là devant la porte. Même s'il ferme sa porte, même s'il ne veut pas sortir, mais il y a des moments, il sera obligé de sortir. Voilà la prière. Donc, dans le trajet, on pourra lui poser des questions. On pourra apprendre de lui. Donc, Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, lorsqu'il arrive, il demande « Est-ce que Abu Abd al-Rahman est sorti ?» C'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud. On lui a dit « Non, on l'attend. » Puis Abdullah ibn Mas'ud, il est sorti. Et Abu Moussa lui raconte. Il lui dit « J'ai vu une chose tout à l'heure à la mosquée que je n'ai pas aimée. J'ai réprimandé dans mon cœur. Et que je n'ai jamais vu cela à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Et il lui a dit « Pourquoi ne leur as-tu pas fait la réprimande et de leur dire d'arrêter de faire cela? Et j'espère d'Allah que vous ne perdez pas la valeur de vos œuvres, la récompense. » Il lui a dit, j'ai préféré te laisser toi le faire. Abdullah ibn Mas'ud s'est couvert le visage avec son turban, en laissant que les yeux apparaître. Et il est rentré dans la mosquée, jusqu'à voir de lui-même ce qui se passe. Il a découvert son visage et il a dit, je suis Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Malheur à vous. Comment se fait-il que vous vous empressez vers l'égarement? Soit vous avez trouvé un chemin meilleur que celui de Mohammed et ses compagnons, ou alors vous avez ouvert une porte d'égarement. Comment vous vous empressez à faire cela alors que ses vêtements ne sont pas encore usés, ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il n'y a pas très longtemps qu'il est mort, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ses ustensiles n'ont pas encore été cassés. On a encore les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous êtes déjà, vous commencez déjà dans l'égarement. Le meneur de ces cercles a dit, oh Abu Abdurrahman, nous n'avons voulu par là que le bien, c'est-à-dire avec une bonne intention. Il a dit, radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, et combien, en voulant le bien, ne l'atteignent pas. Kam min muridin lil khayri lan yusib. Arrêtez de faire cela, ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez. Et j'implore Allah que vous ne perdiez pas vos récompenses. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Le rapporteur du récit, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il y a eu la bataille de Nahrawan, la fameuse bataille entre Ali, radiallahu anhu, le calife des musulmans, et la communauté avec lui, les sahaba et les tabi'in, face à eux, le clan des Khawarij. Le clan des Khawarij. Il a dit, tous ceux qui étaient dans ces cercles, ils étaient dans le camp des Khawarij. On les a tous retrouvés dans le camp des Khawarij. Et là, les ulama, ils disent, regardez, un mal, où est-ce qu'il amène? Ne regarde pas la petitesse de la chose. C'est rien, c'est minime. Ça, c'est toi qui parles, c'est pas la religion. C'est toi qui vois la chose minime. تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. À vos yeux, vous le voyez minime, mais alors qu'auprès d'Allah, il est grandiose et énorme. La balance de jugement, elle est incorrecte. Et c'est pour ça que les ulama disent aussi, les péchés, la personne qui persiste dans les péchés, ça va l'amener vers les grands péchés et ça peut l'amener jusqu'à la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Parce que c'est le chemin entrepris, subhanallah, le chemin entrepris. Donc l'innovation qui était moindre, ils se sont retrouvés dans encore une plus grande. Ils sont tombés dans le clan qui a été nommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant les chiens de l'enfer. Wal'iyadu billah. C'est le prophète qui les a appelés comme ça. Kilabu ahlin nar. Les chiens des habitants de l'enfer. Un des compagnons qui a rapporté ce hadith, on lui a dit, tu as entendu le prophète dire cela? Il a dit pas une fois, plus de 20 fois. Plus de 20 fois, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de cela. Et regardez aussi l'histoire de l'imam Malik, rahimahullah. Lorsque un homme vient le voir et lui dit, je veux me mettre en état de sacralisation pour aller à Mecca, en Umrah ou pour le Hajj. D'où je dois le faire? Il lui a dit depuis Dhul Hulayfa, là où le messager d'Allah s'est mis en état de sacralisation. C'est le miqat de Ahlil Madina. Il lui a dit, je veux le faire depuis la mosquée, près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malik rahimahullah lui a dit, ne le fais pas. Je crains pour toi la fitna, le trouble. L'homme a dit, mais quelle fitna il y a en cela? Ce n'est qu'une distance, un miel. C'est le pluriel de mille. C'est une mesure de distance, comme si on disait des kilomètres. Quelqu'un qui dit, ce ne sont que des kilomètres que je rajoute pour plus me rapprocher d'Allah. Au lieu d'atteindre Dhul Hulayfa, je commence depuis ici. Depuis ici, je suis en adoration. Je serai en état de sacralisation. Donc lui, il ne voit pas le mal. À son stade, il ne voit pas le mal. Et quelle fitna il y a en cela? Ce n'est qu'une distance que je rajoute pour plus me rapprocher d'Allah. Il lui a dit, l'imam Malik, rahimahullah, je crains que ce verset ne te touche. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Dans le sens du verset, que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. Ô un tel, penses-tu que tu as été spécifié d'une chose dont le messager d'Allah n'a pas été spécifié? Et toi, à ton stade, tu as trouvé quelque chose que le prophète ne nous a pas enseigné. Le prophète nous dit depuis tel endroit, et toi tu dis non, moi j'ai une meilleure idée, depuis tel endroit. Subhanallah. Comme par exemple le prophète sallam nous dit, ordonnez la salat à vos enfants lorsqu'ils ont 7 ans. C'est clair, c'est explicite. Lorsqu'ils ont 7 ans. Hein, il dit non. Moi, mes enfants, j'ai remarqué, ils sont déjà éveillés. Ils ont 2-3 ans. Je commence dès maintenant. Ah non. Tu fais le contraire de ce qu'a dit le prophète sallam. Et tu contredis le prophète sallam. Il a dit à partir de 7 ans. Et à partir de l'âge de 10 ans, si jamais ils ne font pas la prière, vous pouvez les taper. C'est-à-dire que l'enfant, on lui a donné toutes les chances. Pendant 3 ans, quelqu'un qui a bien appliqué la chose. Pendant 3 ans, l'enfant s'est habitué à la salat. À l'âge de 10 ans, 3 ans, c'est bon. Il a pris l'habitude, subhanallah. Regardez aussi par exemple, Cheikh Ben Baz, alayhi rahmatullah, on lui a posé la question. A-t-on le droit de frapper les enfants pour l'apprentissage du Coran? On lui a posé la question. Il a dit non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Il a dit parce que mémoriser le Coran n'est pas une obligation. C'est recommandé. On encourage les gens à mémoriser et à apprendre. Mais ce n'est pas une obligation. Donc comment tu peux taper un enfant pour ça? Subhanallah. Et combien vont dire c'est une bonne méthode? Donc avant de parler bonne ou mauvaise méthode, il faut regarder est-ce qu'on a le droit ou pas. Et qu'est-ce que dit la religion là-dessus? Donc l'imam Malik rahimahullah lui dit, penses-tu ô un tel que tu as été spécifié d'une chose dont le messager d'Allah n'a pas été spécifié? Sache que ce qui n'était pas une religion à l'époque du prophète et des compagnons ne sera pas une religion aujourd'hui. Et les derniers de cette communauté ne pourront réussir que parce qu'ont réussi les premiers de cette communauté. Thaminan, huitièmement, هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. Ce hadith, de par les termes employés, littéralement, il nous fait comprendre que toute action qui n'a pas été demandée par le législateur est à rejeter. ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. Et on comprend de ce hadith. Il découle de la compréhension de ce hadith que toute action qui a été demandée, ordonnée par le législateur, elle n'est pas rejetée. والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول. Et le sens de cela, c'est que toute action qui est dans le suivi des règles de la législation en conformité avec ceci sera accepté. ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. Et tout ce qui va à l'opposé de cela, qui contredit la législation, est à rejeté. Tasi'an, neuvièmement, mimma yustafadu min al-hadith. Parmi les leçons tirées du hadith. Awalan, premièrement, tahrimul ibtida' fi ddin. L'interdiction d'innover dans la religion. Donc dans le domaine religieux, c'est complètement interdit. Il n'y a pas de bid'a hasana. C'est impossible. C'est impossible qu'il y ait ce qu'on appelle bid'a hasana. Pourquoi? Parce que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a employé ce mot. Alors que le terme bid'a, à maintes reprises, alayhi salatu wa sallam, il le prononçait lors de ses prêches. Il disait souvent, khutbatul haja, et à la fin il disait, amma ba'd, fa inna khayra al-kalami kalamullah. Après ceci, la meilleure parole, c'est la parole d'Allah. Et dans une autre version, La parole la plus véridique, c'est le livre d'Allah. Le meilleur chemin, la meilleure voie, la meilleure méthodologie, c'est celle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la seule et l'unique qui mène vers l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tous les autres chemins, à la tête de ces chemins, il y a un diable et un démon qui appellent. Ce sont des chemins défiants. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a tracé un trait droit et il a mis son doigt dessus, il a dit, Hada siratullah. Voilà la voie d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il a tracé des petits traits à droite et des petits traits à gauche. Il a dit, Hadihi subul. Ala ra'si kulli wahidatin minha shaytanun yad'u ilayha. À la tête de chacune de ces petites voies déviantes qui sont à la droite et à la gauche, il y a un diable qui appelle. Ces chemins courts à droite et à gauche ne mènent pas vers l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ne les accepte pas. Et il a récité le verset coranique wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Donc, tout le prophète sallam disait wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure voie, le meilleur chemin, celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Et les pires des choses dans le domaine religieux, dans le cultuel, ce sont les choses inventées, les choses nouvelles. Wa kullu muhdathatin bid'ah. Et toute chose nouvelle dans le domaine religieux est une innovation. Wa kullu bid'atin dalalah. Le prophète a dit kull, tout. Toute innovation est un égarement. Wa kullu dalalatin fin nar. Et tout égarement mène dans le feu de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu bid'atin dalalah. Comment quelqu'un peut venir après et reprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est comme s'il disait c'est pas vrai. Il y a un détail dans le sujet. En vrai, il y a des bid'a hasana et il y a des bid'a dalala. A'udhu billah. Comment quelqu'un peut venir reprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Puis on a la parole de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Lorsqu'il dit kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Toute innovation est un égarement même si les gens la voient bien comme bonne. Hudhayfa radiyallahu anhu lorsqu'il dit كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. Toute adoration qui n'a pas été accomplie par les compagnons du messager d'Allah, ne l'accomplissez pas, ne la faites pas. Subhanallah. Donc, تحريم الابتداع في الدين. Donc, toutes les bid'a, elles sont dalala, elles sont égarements. C'est de la déviance et de l'éloignement de la religion du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'imam Malik rahimahullah il a dit Man za'ama anna fil islami bid'atan hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Celui qui prétend que dans l'islam il y a des bonnes innovations religieuses, celui-là aura prétendu que Mohammed a trahi le message. Puis il a récité le verset où Allah dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. » Aujourd'hui, je vous ai complété votre religion, parachevé votre religion. Il n'y a plus rien à rajouter. Et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Un juif, il entend ce verset et il dit à Omar, radiallahu anhu, qui était le prince des croyants en ce moment, il lui a dit, vous les musulmans, vous avez un verset. S'il avait été révélé à nous, peuple de juifs, on aurait fait de ce jour un jour de fête. On aurait fait de ce jour un jour de fête. Et les musulmans savent c'est quel jour, mais nous, on ne rajoute pas de fête. Subhanallah. Et Omar a dit, je sais exactement quel jour il a été révélé. Et l'endroit même où il a été révélé. Subhanallah. C'était à Arafat. Durant le pèlerinage d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam. ثانيا دوزيمون أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه. Que l'action qui est basée, fondée sur une innovation, elle est rejetée à celui, sur celui qui l'a commis. ثالثا أن النهي يقتضي الفساد. Cette interdiction de l'innovation fait que cette action elle est caduque, elle est vaine. رابعا أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. Une bonne action, si elle est faite d'une manière qui contredit la manière enseignée par le prophète sallam, c'est à rejeter. Donc les gens qui viennent nous voir parfois, ils disent, vous interdisez la prière, vous interdisez prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous interdisez visiter les tombes, vous interdisez at-tawassul, vous interdisez... On entend les gens de l'innovation qui ne veulent pas chercher la vérité, ils cherchent tout moyen de se défendre. Et parmi les moyens de se défendre, c'est d'accuser les gens du vrai par des accusations mensongères. On n'interdit pas la visite des tombes, mais on interdit ta manière de visiter les tombes. Ce que tu dis durant la visite des tombes, ce que tu fais durant la visite des tombes, d'aller embrasser la terre, d'aller tourner autour du tombeau, d'aller invoquer les morts, d'aller égorger une bête à cet endroit, et plein d'autres choses. Subhanallah. De ramener une femme pour qu'elle colle son corps, afin qu'elle tombe enceinte, et ainsi de suite. Plein de choses. C'est ça qui est interdit. Mais ces gens-là, puisqu'ils ne veulent pas qu'on leur interdise, ils disent, vous interdisez la visite des tombes. Alors que non, c'est votre manière de visiter les tombes qui est un problème. Et non pas la visite des tombes. La visite des tombes était interdite au début de l'islam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permise. « Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, fazuruha, fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. » C'est pour se rappeler de la mort. Se rappeler que toi aussi, un jour, tu seras ici, avec eux. C'est ta future demeure. Tu vas tout quitter pour cette demeure-là. Un trou, tu seras à l'intérieur, tu auras quitté ce bas monde et tu seras parti vers l'au-delà. Et Allah seul sait dans quelles conditions. Qu'Allah nous facilite à tous et nous raffermisse. Il nous fasse mourir en étant soumis à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, at-tawassul, c'est-à-dire de prendre intermédiaire pour se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est légiféré. وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. C'est légiféré. Et Omar, radiallahu anhu, il dit اللهم إنا كنا نتوسل بدعاء بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونتوسل بعمه العباس. C'est légiféré. Les gens qui connaissent l'islam correctement, ils savent, c'est légiféré. Mais le tawassul reconnu, c'est d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala par le biais d'un de ses plus beaux noms, subhanahu wa ta'ala, wa lillahi al-asma'ul husna, fad'uhu biha. Invoquez-le par les plus beaux noms. Donc avant de demander une chose à Allah, tu appelles Allah par ses plus beaux noms, subhanahu wa ta'ala. Aussi, en rappelant une œuvre que tu as fait sincèrement pour Allah. Oh Allah, j'ai fait telle action. Oh Allah, si cette action je l'ai fait sincèrement pour toi, ne recherchant aucune ostentation là-dedans, oh Allah, facilite-moi, donne-moi, et ainsi de suite. Donc, j'invoque Allah par le rappel d'une bonne action, comme les trois qui ont été bloqués dans une grotte, le rocher qui est tombé. Et un a dit, rappelez-vous une bonne œuvre que vous avez faite. Et chacun essaie de se rappeler une bonne œuvre qu'il a fait sincèrement pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Aussi, on peut, un homme pieux, une personne pieuse, une personne qu'on sait qui est en plein dans la religion, qui est proche d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on peut lui dire, on vient le voir, on lui dit, oh un tel, ne m'oublie pas dans tes doigts, invoque Allah pour moi. On peut lui demander. Subhanallah. Voilà les trois manières. Ahlul bida, qu'est-ce qu'ils ont fait parmi les soufis et autres, qui tournent autour du terme tawassul? Ils nomment les choses par un nom qui n'est pas le leur. Le shirk, ils l'ont appelé tawassul. Ce qu'ils font, c'est du shirk. Mais ils l'appellent comment? Tawassul. Ils invoquent autre que Allah. Puis ils disent, on est en train de faire le tawassul. Puis ils vont réciter aux gens les versets où il y a le tawassul, les hadiths, pour dire, vous avez vu, on a des preuves. Non, là vous êtes trompés de chemin. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. C'est que viendront des gens, ils vont nommer les choses par un nom qui n'est pas le nom réel de la chose. C'est comme si on vous donne une bouteille d'eau, c'est de l'eau à l'intérieur, et on met une étiquette de Coca-Cola. La plupart, vous savez tous la couleur du Coca-Cola. Vous savez très bien que ce n'est pas du Coca. Et quelqu'un vous dit, mais regarde, c'est marqué Coca-Cola. C'est ce qu'ils font. L'alcool, le vin, ils l'appellent mashroubat rohiya. Les boissons spiritueuses. Spiritueux. Subhanallah. Hein? En arabe, riba. Ils l'appellent le fawaïd. Hein? Le fawaïd. Comme ça, celui qui lit le Coran, il ne trouve pas. Il dit, moi, j'ai lu le Coran, je n'ai pas trouvé. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, c'est le riba. On lui a changé de nom seulement, subhanallah. Et plein de choses comme ça. Il change le nom. Et ça, c'est une des manières de faire des juifs. Hein, pour faire tomber les gens dans quelque chose, comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le mal, s'il était présenté comme tel aux gens, personne ne l'accepterait. Mais le mal, non, il faut le présenter, il faut qu'il soit présentable. Donc il faut l'embellir, embellage, tout ça, voilà, comme ça, un paquet cadeau, et comme ça la personne elle le prend, mais il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Subhanallah. Wa la talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun. N'habillez pas le faux par le vrai, tout en le sachant. Vous le savez, mais vous le faites. Subhanallah. Les Juifs, on leur avait interdit la graisse des animaux. Ils l'ont chauffé, ils lui ont donné une autre forme pour pouvoir le vendre et gagner de l'argent là-dessus. Et ils ne savent pas. Ils ont oublié que lorsqu'Allah a interdit une chose, il a interdit aussi son prix. Subhanallah. Donc, et le prophète nous met en garde. La tartakibu martakabat al-yahoud. Ne commettez pas ce qu'ont commis les Juifs. Il faut faire attention. Et combien tombe dedans? Wal'iyadu billah. Donc, at-tawassul, il existe, mais le tawassul reconnu dans la religion. Par le shirk qu'on a appelé tawassul. Tahrif, nosous, altérer les textes. Faire dire aux textes ce qu'ils ne disent pas. Ils appellent ça comment? Ta'wil. Et puis ils vont lire le Coran, il y a le mot ta'wil. Vous avez vu, il y a, on a des preuves, ça existe. Alors que non! Le ta'wil veut dire l'explication, le commentaire. Ça veut dire l'explication et le commentaire. À la base, c'est ça que ça veut dire ta'wil. Puis, eux, ils lui ont donné un autre sens. Mais ce qu'ils font, ces gens de l'innovation, c'est du tahrif. Comme on fait les gens d'avant eux. Yuharrifuna al-kalib. Ils altèrent les paroles. Istawa. Regardez, chez les salafs, c'est l'élévation, être au-dessus. Eux, ils ont dit, non, c'est staoula. Staoula, et on trouve que c'est le même mot avec un lame au milieu. Avec un lame qui a été rajouté. Quelle est votre preuve? Ni verset, ni hadith. Un vers de poésie fait par un chrétien. Voilà, c'est un vers de poésie. Hein. Qui parle de... d'un roi d'Irak qui a pris le pouvoir par rapport à un autre, à un opposant. Voilà. Istaoula. Voilà. Donc, c'est ça la preuve. C'est ça la preuve qu'ils ont pour dire. Et le Cheikh Mohamed Amin al-Shankriti, rahimahullah, et d'autres, parmi les savants, ils disent leur lame, le lame, là, la lettre lame, Istaoula, il ressemble à quoi? Au noun des juifs. Allah, il leur a dit quoi? Wa qulu hittatun. Eux, ils ont dit quoi? Hinta. Ils ont rajouté un noun en plein milieu. Donc il dit, le lame de cela, c'est, il ressemble au noun de cela. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Donc, une action, même si elle existe dans la religion, mais elle doit être faite comme la religion nous l'enseigne. Comme par exemple, de faire des nafilas, des prières surrogatoires, dans un horaire où on n'a pas le droit de prier, où les prières sont interdites, sans aucune raison. S'il y a une raison, ce n'est pas toi qui as voulu prier, c'est cette raison qui t'a amené cette prière. Mais sans raison, tu n'as pas prié durant les moments où il est interdit de prier. Ou alors de jeûner le jour de l'Aïd. Le jeûne, c'est bien, c'est demandé. Mais le jour de l'Aïd, on n'a pas le droit de jeûner, etc. Khamisan, anna hukm al-hakim la yughayyir ma fi batin al-amr li qawlihi laysa alayhi amruna. Cinquièmement, le jugement que pourrait donner un juge, une autorité ou autre, ne changera pas la réalité de la chose. C'est soit c'est en conformité, soit ça ne l'est pas. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un jugement, une décision, que cela veut dire qu'on ne regarde même pas si c'est en conformité ou pas. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit, sur lequel il n'y a pas notre ordre. « Laysa alayhi amruna ». Sadisan, sixièmement, « Anna sulh al-fasid batil ». Donc, les compromis, les contrats, les accords qui sont faux, ils sont caducs. 20. Wal ma'khoudh alayhi mustahaq al-rad. Et ce qui a été pris à cause de ce jugement-là, il doit être rendu. Puisque ça a été donné après un jugement qui est incorrect. Kama fi hadithi al-asif. Comme on a vu cela dans le hadith qu'on appelle hadith al-asif. Et al-asif veut dire l'employé. D'accord ? C'est l'employé, l'ouvrier de cette famille. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين